doit dégager pour le bonheur de l'Afrique. Et d'ailleurs, Macron, il va aussi pour tenter, pour continuer d'essayer d'isoler Touadéra, pour combattre Touadéra parce qu'il est en collaboration avec la Russie. Macron, quand il s'arrête devant son minibar en France, tous les bobards qu'il raconte, il croit qu'on ne connaît pas les dessous de son voyage. Nous, on connaît les dessous, les dits et les non-dits, les Africains, tels que notre digne premier ministre patriote Choguel Maïga, Kokala Maïga a dit. Il a dit, le cul du Malien, c'est au-dessus de la moyenne. Et ça veut tout dire. Ces gars-là se foutent de nous. La France-Afrique se fout de nous. Afrique Média, le monde, c'est nous.